Oui, pensez-vous que la solution au problème écologique soit davantage technique, davantage politique, premièrement? Deuxièmement, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose que S s'exprime sur l'écologie, ou est-ce qu'on devrait plutôt laisser ça au bobo des villes, comme tu dis? Ben non, l'écologie, c'est une des questions les plus importantes aujourd'hui. La pollution, la destruction de la planète, ça existe. Là où il y a débat pour nous et débat démystificateur, c'est sur la thèse du réchauffement climatique. Cette thèse est une fumisterie, mais ça n'enlève rien au sérieux de l'écologie et à la question gravissime de la pollution. Hein? La question du réchauffement climatique avec la théorie du CO2 et du réchauffement climatique et du CO2 qui produirait du réchauffement climatique à cause de la production humaine est une escroquerie montée par les dominants de la planète pour justifier, à mon avis, un gouvernement planétaire, à la fois pour justifier le mondialisme et aussi sans doute peut-être à l'avenir à une certaine forme de malthusianisme, c'est-à-dire de sortir certaines régions du monde du développement, de justifier des inégalités tellement accrues que des pans entiers de l'humanité sortent du développement, etc. C'est un vrai, vrai sujet aussi très sérieux. Mais nous, on ne doit absolument pas nous ne devons absolument pas abandonner le sujet de l'écologie, mais ne devons pas le laisser je sais pas comment il s'appelle, à Hulot, là, au Couillon ou à Borloo, quoi, c'est tout. Mais l'écologie est un sujet très sérieux. C'est d'ailleurs un sujet de droite, hein, il faut le savoir, hein. L'écologie fait partie de la pensée conservatrice, fait partie de la pensée réactionnaire. C'est un truc qui est passé à gauche que très récemment. C'est au cœur de la réflexion réactionnaire et conservatrice. Voilà. Donc toujours pareil, se cultiver, lire, réfléchir et ne pas se laisser, comment dirais-je, le discours médiatique dominer. Nous, on est contre l'écologie de marché, on est contre le marché de l'écologie et on est contre la récupération de l'écologie par l'électoralisme foireux, l'écologie Cohn-Bendit, etc. Mais sinon, c'est un sujet, c'est sans doute le sujet le plus important aujourd'hui, qui est la manière dont le capital, par sa fuite en avant destructrice, commence à détruire la planète qui est un espace clos, qui a une échelle, qui n'est pas extensible comme l'imaginaire ou le progrès technique, et où on commence à voir des vrais problèmes. Alors c'est pas le réchauffement climatique, mais par exemple la pollution, la surproduction, l'épuisement des sols, etc. Et Bourguignon sur le travail sur l'épuisement des sols est très bon. Il y a des tas de choses. De Benoît a écrit un bouquin pas mal. Je me méfie d'Ariès là par contre, je m'en méfie. Je trouve très louche, mais bon. Mais l'écologie est un sujet très sérieux, voilà. Et malheureusement en voie de récupération. Parce que de toute façon, la logique du capitalisme et la logique du marché, c'est de tout transformer en marché. Donc il y a un sujet intéressant qui s'appelle l'écologie, et le marché cherche à faire un marché de l'écologie et à faire de l'écologie de marché, c'est-à-dire à transformer un questionnement du libéralisme et du capital en capital. Parce que c'est ça le génie du capitalisme, c'est de tout transformer en marché, même sa contestation. Hein? Voilà. Et ça, c'est des sujets où on doit être performant, il doit y avoir des textes. C'est pas forcément à nous de les faire, mais de les trouver et de les relayer. Mais on ne doit éluder aucun sujet. Hein. Et on est absolu, c'est absolument pas, on doit absolument pas abandonner l'écologie aux bobos. On doit se moquer de l'écologie bobo, par contre, qui est d'ailleurs un truc de branleur des villes et une manière très superficielle de traiter une question dans le but de produire un marché, en plus un marché bourgeois, un marché élitiste, etc. Donc, voilà, c'est comme de dire que la guerre est une chose bien trop sérieuse pour être confiée aux militaires, l'écologie est une chose bien trop sérieuse pour être abandonnée aux écologistes de profession. Voilà.